laisser s'envoler mon plus grand rêve d'amour. J'ai laissé partir l'amour de ma vie, celle qui me donnait des ailes. J'ai des amours de passage, chacune n'est qu'un mirage. Merveilleux mirage qui s'évanouit avec la fin de la nuit. Je ne peux plus dormir, je ne fais que rêver qu'on fait l'amour toute la nuit. J'aimerais te sentir respirer dans mes désirs. Je ne veux plus rêver qu'avec toi à mes côtés. J'aimerais sentir que je suis ton rêve, comme tu es mon rêve. J'aimerais au cœur de l'amour avec toi chaque jour. Avec toi chaque nuit. Tu es la seule à toucher le point de ma passion. Personne mieux que toi ne peut m'élever au-dessus de la raison. Je ne veux plus rêver, ne plus rêver de toi. Je veux rêver avec toi. Connais le secret pour être bien dans ma peau. Je connais le secret pour être bien dans ta peau. J'aimerais sentir que je suis ton rêve, comme tu es mon rêve. Avec toi.